C'est une idée qui faut que ça marche. Par exemple, les idées de gauche sont des idées pas saines. Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Aujourd'hui, quand on pousse les gens à dire « faut pas travailler », on est dans l'erreur. Quand on parle d'acquis sociaux, non, il n'y a pas d'acquis sociaux, il n'y a pas d'acquis sociaux. Quand on parle d'acquis sociaux, non, il n'y a pas d'acquis sociaux. La gauche trompe, les syndicats trompent les Français. Trompent les Français en leur faisant croire des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies. On ne vit pas seul, on vit dans un monde. On a la concurrence nationale, on a les Chinois. Les Chinois vont gagner la bataille économique. On va devenir un pays sous-développé. Comme des imbéciles, on dit on a rien qui tous, on va travailler. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la vie. C'est la vie. La vérité, c'est la vie. La vie, c'est ce qui marche. Aujourd'hui, quand on pousse les gens à dire faut pas travailler, on est dans l'erreur. Il n'y a pas d'acquis sociaux.